Les rêves sont une illusion. Bat mon sang. Je veux perdre la raison avant la fin de la mission. Les rêves sont une illusion. Les rêves sont une illusion. Les rêves sont une illusion. Les rêves sont une illusion. Les rêves sont une illusion. Les rêves sont une illusion. Les rêves sont une illusion. Bloc, cactus, à l'oreille j'ai la puce. Viens ma puce, ma liberté veut un bonus. Elle en veut toujours plus, elle en veut toujours plus. Elle en veut toujours plus. J'danse sans hésitation. Tu supportes plus la pression. Lyrical et l'agression. Dangereuse est la cinquième mission. Les rêves sont qu'une illusion. Bac mon son. Je peux perdre la raison avant la fin de la mission. Les rêves sont qu'une illusion. Les rêves sont qu'une illusion. Les rêves sont qu'une illusion. Les rêves sont qu'une illusion. Les rêves sont qu'une illusion. Les rêves sont qu'une illusion. Les rêves sont qu'une illusion. Les rêves sont qu'une illusion. Il n'est plus question de s'arrêter. Ça y est, je me suis lancé. Jamais en train de stresser. Pourtant on m'a balancé. J'arrive pas à m'arrêter de danser. La rue me fait chanter. Du flow j'en ai donné. Du flow j'en ai donné. Sacrifier une vie pour une carrière. La musique protège mes arrières. J'ai ce côté fou comme Lucifer. Tu vois, j'irai t'attendre en enfer. Tu vois, j'irai t'attendre en enfer. Les rêves sont qu'une illusion. Bac mon son. Je peux perdre la raison avant la fin de la mission. Les rêves sont qu'une illusion. Les rêves sont qu'une illusion. Les rêves sont qu'une illusion. Les rêves sont qu'une illusion. Les rêves sont qu'une illusion. Les rêves sont qu'une illusion. Les rêves sont qu'une illusion. Les rêves sont qu'une illusion. Hop hop hop hop hop hop. Hip hop hip hop hip hop. Gangsta tu joues ta vie. On te le dit jour et nuit. L'hypocrisie est une perte ton balle. Mon douze est devenu mon barbale. L'envie de vivre repousser ma mort. Pas avoir à reconnaître de tort. L'hypocrisie est une perte ton balle. Mon douze est devenu mon barbale. L'envie de vivre repousser ma mort. Pas avoir à reconnaître de tort. Pas avoir à reconnaître de tort. Les rêves sont qu'une illusion. Bat mon son. Je peux perdre la raison avant la fin de la mission. Les rêves sont qu'une illusion. Bat mon son. Je peux perdre la raison avant la fin de la mission. Les rêves sont qu'une illusion. Les rêves sont qu'une illusion. Les rêves sont qu'une illusion.